Amis auditrices, amis auditrans, amis auditeurs, bonjour. L'utopie, c'est la réalité de demain. Fin 2010, j'écrivais cela, devant l'apathie de nos concitoyens, les patrons pourraient proposer de revenir à 10 heures par jour, 2 semaines de congés par an et diminuer les salaires de 30%, ils n'auraient qu'à dire qu'avec la mondialisation on ne peut pas faire autrement, la conjoncture économique nous oblige à prendre des mesures radicales. Ils pourraient aussi repousser l'âge de la retraite à 75 ans, supprimer la sécurité sociale et nous obliger à faire 8 jours de travail de solidarité. Où est-ce que tu crois être ? Je suis sûr qu'à l'époque, nombreux se sont dit, n'importe quoi, ça n'arrivera jamais. Alors faites une liste de ce qui ne devait jamais arriver, vous allez être surpris. Le MEDEF, les banquiers, les rentiers, bref, toute la grande bourgeoisie qui dirige la société et qui n'a jamais accepté la plus petite avancée sociale a compris qu'elle peut porter un coup décisif pour liquider l'héritage de décennies de lutte ouvrière. Je suis réveillé. L'utopie du patronat n'est pas la même que la nôtre, c'est sûr, mais la leur gagne du terrain. Une entreprise qui licencie et qui distribue des super bonus à ses cadres, c'est la réalité. Une banque au bord de la faillite, soutenue par de l'argent public et qui donne des primes exorbitantes à ses traders, ça existe. Des biens publics qui sont bradés à des copains, c'est vrai. Un président de la République arrivant au pouvoir en annonçant que les caisses sont vides et qui en même temps se double son salaire, c'était du domaine de l'impensable, et pourtant est le suivant qui se prétend socialiste et qui fait cadeau sur cadeau au patronat, c'est ce qui se passe en ce moment. Tu crois que tu es où là maintenant ? Il y a 20 ans dans un conseil d'administration, un actionnaire a dit, il nous faut une rentabilité à 2 chiffres. Tous ceux qui étaient présents ont dit, ce n'est pas possible, c'est de l'utopie. Eh bien, les utopistes du capital ont prouvé à leurs semblables que l'utopie n'était qu'une question de volonté, recul de l'âge de la retraite pour les salariés, privatisation des entreprises publiques, démantèlement de l'école et de la santé, gel des salaires pour les pauvres et allègements fiscaux pour les plus riches. Plus leur utopie avance, et plus nos libertés reculent. Nous sommes capables d'être viols envers quelqu'un qui nous vole notre voiture, mais nous acceptons que des gens pleins aux as, qui nous méprisent et nous exploitent, précarisent notre avenir et celui de nos enfants. Beaucoup acceptent sans bouger que l'on nous prive de nos droits, de notre système de santé simplement parce que certains l'ont décidé. Leur explication est simple, on ne peut pas faire autrement. Une résurrection, c'est bien mieux qu'une biographie. Rappelons à ceux qui nous rebattent les oreilles que la financiarisation est source de progrès favorisant l'investissement, l'emploi et l'innovation. Rappelons-leur qu'avant la déréglementation financière, sans les traders, les fonds d'investissement et les rendements à 20%, la croissance était de 5%, le chômage et la dette nulle ou presque. Rappelez-vous, ce n'est pas si vieux. Est-ce que tu te rappelles avoir été ailleurs ? Ce qui était impossible pour eux il y a 30 ans est super facile aujourd'hui. Grâce aux luttes et aux legs de nos anciens, notre génération a été pour beaucoup à l'abri du besoin, le monde du travail était soumis à des règles, la protection sociale développée, les prix encadrés et l'avenir ouvert. Nous nous sommes donc laissés endormir. Pendant ce temps, le capital et le grand patronat n'a jamais cessé de lutter contre cet état de fait. Nous, nous avons baissé les bras. C'était une sélection radio parasite. À bientôt et grosse bise numérique.